Je vais évoquer un sentiment essentiel sans lequel la vie n'aurait pas de sens. Je vais parler de l'amitié, et surtout de l'effet qu'elle peut produire sur un entourage incrédule. Aussi, l'interprétation des esprits qui se disent purs est plutôt baroque lorsque deux femmes entretiennent une entente complice qui résiste courageusement des années durant malgré les bourrasques. Inévitablement, la rumeur d'un rapport physique se propage. En pratique, il est plus facile de dénigrer que de chercher à comprendre que la sympathie entre deux êtres d'instruction, d'âge ou de culture distincte peut être non seulement possible, mais surtout enrichissante sans pour autant avoir besoin de partager des jeux érotiques. À l'évidence, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une ou plusieurs amies assez proches à qui confesser sans retenue les joies et les tourments. Les raisons de ce manque sont tristes et nombreuses. À tout un chacun d'en trouver des explications en adéquation avec sa situation. Toujours est-il que l'engagement conjugal ne peut justifier cette carence, les deux relations étant assurément complémentaires. Surtout qu'il est indispensable de garder une cour de récréation, à plus forte raison qu'il y a des sujets qui ne peuvent être entérinés par le conjoint. D'ailleurs, les hommes ont aussi des liens qui pourraient sembler douteux. Cependant, cela n'engendre que rarement des ragots. C'était Evan Matisse, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles anecdotes.